Voilà, c'est l'intempestive. Pas prévenu. Papy, bonjour, Francine. Monsieur. La folie, je le considère comme normal dans la vie. Il y a des... À mon avis, je connais des instants de perte de... de contrôle de moi-même, que je contrôle. La folie n'est pas une malédiction telle, à un point tel, qu'elle rejoint la maladie que l'on veut signifier en disant folie. C'est la voix de Georges enregistrée par Manu Bonmariage lors d'un reportage de l'émission belge Striptease dans un hôpital psychiatrique. Et cette voix introduit très bien la nouvelle série d'émissions qu'on va commencer dans l'intempestive, une nouvelle série qui nous permettra de parcourir l'histoire de la psychiatrie et l'histoire de la folie. On commence aujourd'hui avec la première partie d'un entretien réalisé avec Patrick Coupchou, où on revient sur le regard qu'a porté chaque société depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle sur la folie. Et on balance en toile de fond, entre le ronflement bestial d'un chien assoupi sur le canapé, et la sonnerie bien réglée d'une horloge d'intérieur. Alors, on est avec Patrick Coupchou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur notamment d'un bouquin qui s'appelle « Un monde de fous, comment notre société maltraite ses malades mentaux » qui est paru au Seuil en 2006. Et on va faire un peu le tour avec vous aujourd'hui du panorama de la psychiatrie aujourd'hui. Pour introduire justement une série d'émissions sur l'histoire de la psychiatrie, ce qui s'est développé de bien et de mal là-dedans, et essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il y a des... Voilà, le sous-titre du bouquin, comment notre société maltraite ses malades mentaux, est encore plus d'actualité en 2008 qu'il ne l'était en 2006. Hélas. Peut-être pour commencer, vous pourriez faire un rapide panorama historique, en fait, de qu'est-ce qu'a été l'asile au départ, pour qu'on puisse ensuite voir l'évolution. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Ben, écoutez, si on aborde les questions d'histoire en fonction de ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est peut-être intéressant de le faire comme ça, la question centrale qui est posée, qui est toujours posée aujourd'hui, qui a été posée depuis très longtemps, c'est la question de l'humanité des fous. Est-ce que les fous sont des humains? Est-ce que ce sont des hommes ou pas? Il ne faut pas croire que c'est une plaisanterie. Puis, pendant des siècles, on a pensé qu'ils n'étaient pas des hommes. Des philosophes aussi éminents que Kant pensaient que, comme ils étaient en dehors de la raison, les fous étaient en dehors de la raison, ils ne faisaient pas partie de l'humanité. Bon, on sait qu'au Moyen-Âge, on les a brûlés sur les bûchers parce qu'on pensait qu'ils étaient ensorcelés, ou qu'ils étaient porteurs du démon, ou je ne sais quoi. On sait qu'on les mettait, vous avez vu, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin, il y a un bouquin qui s'appelle « La nef des fous », voilà, dont je parle dans le bouquin, où on explique qu'on mettait, Foucault explique ça dans son bouquin sur la folie, où on explique qu'on mettait les fous sur des bateaux pour les éloigner des cités, etc., etc. Et ça a pris différentes formes. C'est-à-dire que la période qui a précédé l'asile, puisque votre question c'est l'asile, c'était la période que Foucault décrit dans son livre sur la folie à l'âge classique, où au démarrage sous le règne de Louis XIV, on ouvre ce qu'on appelle l'hôpital général. Donc l'hôpital général, c'est un instrument, c'est une sorte de Guantanamo, si vous voulez. C'est que c'est ni la prison ni l'hôpital, c'est entre les deux. Et c'est l'arbitraire total, c'est-à-dire que c'est là qu'on met les opposants par lettre de cachet, c'est là qu'on enferme les pauvres, parce que là on a une gestion, Foucault explique ça bien, on a une gestion de la pauvreté qui est une gestion répressive, on enferme les pauvres. Et les fous. Mais les fous à la limite n'existent peu, il y a bien quelques maisons de fous, des petites maisons de fous dans Paris, mais en gros ils ne sont pas tout à fait reconnus, ils sont noyés dans cette masse. Donc si vous voulez, sur l'asile, on a sur la création de l'asile, on a une situation qui est... qu'on peut analyser d'une façon contradictoire. C'est-à-dire que d'une part, l'asile n'existe pas sans Philippe Pinel. Bon, Philippe Pinel, c'est, on le dit comme ça, je pense que c'est vrai, on dit que c'est le fondateur de la psychiatrie en France. Pourquoi c'est le fondateur de la psychiatrie en France? Parce que la légende veut, c'est pas qu'une légende d'ailleurs, mais ça a été tout à fait embelli et c'est devenu une légende, veut qu'il ait libéré les fous de leur chaîne à Bicêtre. En 1790. Exactement, en pleine terreur, et il y a toute une littérature qui avait d'ailleurs été développée par son fils et embellie par son fils, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Pinel C'est la création de la psychiatrie. Pourquoi? Bah, pas tout simplement parce que Pinel, il dit une chose très importante. Il dit, chez chaque fou, même le plus forcené des fous, il reste une part de raison. Et que c'est à cette part de raison qu'il faut qu'on s'adresse pour appliquer le traitement moral, c'est-à-dire le soin. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses nouvelles. Il y a le soin, ça signifie qu'on va penser, on pense à l'époque que la maladie mentale est une maladie, que la folie est une maladie, et que donc on peut la soigner. D'où l'idée, d'abord de s'adresser à cette part de raison pour soigner, mais l'idée de créer des endroits dans lesquels on pourrait traiter les fous. C'est-à-dire on pourrait les aider et on pourrait les soigner. Et évidemment, là, on va voir arriver le psychiatre, le médecin, qui va remplacer la police et tout le système répressif d'antan, qui va mettre en place un système répressif beaucoup plus subtil dont parle Foucault d'une façon tout à fait pertinente. Mais si vous voulez, il y a deux choses. La première, donc, c'est l'apparition du médecin, l'apparition de l'asile comme étant le lieu où on pouvait soigner, ce qui à la fois est positif, puisqu'on sort de la période précédente où on considérait que les fous, ils n'existaient pas, et puis en même temps, qui va s'avérer aussi négatif, puisque ça va être le début d'une période de 150 ou plus, 150 ans ou plus, d'enfermement. C'est-à-dire que le fond d'affaire, c'est qu'on arrive à l'enfermement. Bon, on dit souvent que c'est plutôt Esquirol, le successeur de Pinel, qui avait été un petit peu l'âme damnée de la loi de 1838, qui avait créé un asile par département, etc., qui était un petit peu responsable de ça, mais c'est surtout l'évolution de la société, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir les rapports entre la folie et la société. Mais surtout, ce que dit Pinel, et ce qui est très, très, très, très important, c'est qu'il dit, s'il dit qu'il y a une part de raison qui existe toujours dans la tête des fous, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le fou est un homme. Il n'est pas en dehors de l'humanité, puisqu'il a une part de raison. Or, la raison, à l'époque, c'est quand même ce qui est la marque, quand même, comment dire, la plus importante de l'humanité. Les animaux n'ont pas de raison. Seuls les hommes ont une raison. Donc la raison, si on dit qu'il y a une part de raison dans la tête des fous, ça signifie que le fou est un homme. Et ça, c'est un aspect qui avait été développé dans les années 80-90 par Gladys Swain, qui est une psychiatre qui était la compagne de Marcel Gauchet. Avec Marcel Gauchet, ils ont écrit des choses là-dessus. Et cet aspect positif de Pinel. Et ça, c'était intéressant parce que ça va être repris par les aliénistes après la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va se passer ensuite qu'effectivement, on va gérer, je vais mettre des guillemets à gérer, on va gérer la folie au travers d'une institution qui s'appelle l'asile. Mais l'asile, il va se constituer en lieu d'enfermement parce que c'est l'évolution même de la société au XIXe siècle qui le demande. C'est-à-dire qu'on va substituer à des institutions répressives qui était celle du 17e et du 18e siècle, on va substituer une institution répressive elle aussi, mais, comme dirait un peu Foucault, un peu biopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les médecins qui vont gérer ça. Et la notion d'hygiène qui rentre en jeu. Voilà, avec la notion d'hygiène qui rentre en jeu, on est dans une période effectivement d'hygiénisme, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de rassembler ces gens dans un lieu fermé, et de les soigner dans un lieu fermé. Et évidemment, c'est l'enfermement. C'est-à-dire que ce soit pour des raisons médicales ou pour des raisons d'exclusion pure et simple, on est quand même dans l'exclusion et dans l'enfermement. Et ça va se développer au fil des années. Et on va être dans une situation, par exemple, entre les deux guerres mondiales, dans une situation catastrophique, absolument terrifiante, avec des asiles surchargés et avec des gens qui vont passer leur vie entière enfermés dans l'asile. Et évidemment, entre l'enfermement et le soin, il y a un fossé. C'est-à-dire que des gens comme Toscaïès, Oury, après la Seconde Guerre mondiale, vont bien montrer que non seulement l'asile ne soigne pas, l'enfermement ne soigne pas, mais au contraire, il aggrave les pathologies. Donc voilà, si vous voulez, je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième, c'est que cet asile, il va être petit à petit remis en cause. Et là où c'est intéressant, c'est que on voit bien quand même le lien avec l'état de la société et son avancement dans la démocratie, dans le progrès, etc. Les premiers décrets qui commencent d'égratigner ça datent de 36 du Front populaire. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on est dans une période courte, mais une période de progrès social, de la démocratie, des libertés. avec le Front populaire, entre 36 et 37, 38, sur une année ou deux, là. Et c'est là, comme par hasard, que, eh bien, on va remplacer l'asile par l'hôpital psychiatrique, qu'on va créer, je crois que c'est à cette époque-là, il faut qu'on vérifie, mais on va créer le diplôme d'infirmier, etc., etc. Bon. Mais il y a surtout que l'asile va être mis en cause à partir de la Seconde Guerre mondiale, d'une façon tout à fait massive. Bon, pour quelle raison ? Bah, d'une part, parce que la guerre va mettre en évidence son aspect inhumain et son aspect parfois même absurde. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des endroits où, à cause des bombardements, les portes des asiles ont été ouvertes, où les gens sont partis de la nature, et vous avez la moitié des gens qui ne sont jamais revenus dans l'asile. C'est-à-dire qu'ils sont, ils se sont remis dans la société, ce qui veut dire qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'asile, enfermés. C'est-à-dire que, voilà, donc vous avez une série de psychiatres, de gens qui étaient jeunes à l'époque, qui découvrent ça. Il y a aussi le fait qu'on est dans la résistance, que la nouvelle psychiatrie va naître dans la résistance. On va y venir tout à l'heure, mais par rapport à l'asile. C'est-à-dire que les psychiatres, à l'époque, ils sont confrontés à une chose terrifiante. Alors, pour une part, on dit qu'il y a une partie qui a été complice de ça et qui l'a au minimum accepté, mais ils sont confrontés à quelque chose de terrifiant, qui est la mort de 45 000 malades mentaux pendant l'occupation, parce qu'ils n'ont pas été nourris. En France. Mmh. En Allemagne, c'est encore différent, on les a tués. Mais en France, on les a laissés mourir de faim. Donc, les psychiatres de la résistance, ils vont découvrir les similitudes entre ce qu'était l'asile et ce qu'est l'asile, parce qu'ils sont encore dans l'asile, et puis les camps de concentration, puisque en 1945, les premiers déportés rentrent, et on découvre le système du camp. Alors, quand on dit que les psychiatres de cette époque découvrent les similitudes, c'est pas simplement à cause des morts de faim, évidemment, parce qu'il y a histoire de folie, je crois, je ne me souviens plus quel est le titre de ce film, où on voit une interview de Bonafé, de Lucien Bonafé, où il dit, quand il est arrivé, je crois, à Villevrard ou à Maison-Blanche, je ne me souviens plus, et qu'il dit, quand on a vu arriver les déportés, on s'est dit, mais c'est des pathologies qu'on connaît, les pathologies de la faim, parce que nous, on les a vues dans les asiles. Mais c'est pas simplement ça, c'est le système du camp, c'est-à-dire avec sa hiérarchie, avec ses rôles, avec les rôles qu'on donne à chacun pour que le système puisse fonctionner. Bon, par exemple, c'est évident que les nazis, sans un système élaboré de ce genre, ils n'auraient jamais pu gérer, entre guillemets, des centaines, voire des milliers de camps de concentration répartis sur toute l'Europe occupée. Il a fallu qu'ils mettent en place tout un système avec des capots, avec toute une hiérarchie, avec toute une complicité. Enfin bon, il y avait toute cette mécanique du camp de concentration qui a été découverte après la guerre et qui n'était pas sans rapport, sans rappeler ce qui se passait dans l'asile. Là, il faut quand même se rappeler ce que racontait Foucault, par exemple, quand il parle du médecin, du psychiatre, de l'asile, de l'aliéniste, il parle du personnage médical. C'est-à-dire que le personnage médical, pour insister sur le fait qu'on n'est pas face simplement à un médecin, mais on est face à un homme de pouvoir. Et vous avez des témoignages qui sont extraordinaires, où le type ne voyait même pas, je veux dire, le psychiatre ne voyait même pas ses malades. C'était les soutiers, les infirmiers qui s'occupaient du tout venant, des violences et des choses peu ragoûtantes parfois. Et puis lui, eh bien, il était là, il dominait tout son monde, et il n'y avait ni équipe, ni maîtrise de quoi que ce soit. Donc si vous voulez, l'asile et le camp de concentration, d'un seul coup, on se dit, mais peut-être bien qu'il y a des similitudes. Mais surtout, on se dit que, et ça aussi, c'est l'apport de, bon, l'apport de Pinel et d'autres, mais on se dit surtout qu'on réfléchit de nouveau sur la question, c'est pour ça que je disais que c'est une question centrale, de l'humanité de la folie. C'est-à-dire que on se dit, si les fous sont des hommes, c'est-à-dire des êtres humains comme vous et moi, il n'y a aucune raison qu'on les enferme et qu'on les mette dans des situations épouvantables dans lesquelles ils se trouvaient dans l'asile. Donc à un moment donné, il faut se dire, s'ils sont des hommes, mais il faut faire en sorte qu'ils retournent vivre parmi les hommes. Avant d'arriver sur la question justement du secteur, là, vers laquelle on approche, la révolution du secteur, justement tout ça, cette réflexion-là sur l'humanité des fous, ça se fait dans un contexte où l'Allemagne nazie mène une politique délibérée d'extermination des malades mentaux, mmh. et où c'est relayé en France par quelqu'un comme Alexis Carrel, qui développe des idées d'eugénisme. Ben, écoutez, ce que je crois, si vous voulez, c'est que je pense que les questions se posent un peu à deux niveaux. Il y a effectivement le niveau historique de la période considérée que vous évoquez, sur lequel je vais revenir. Mais plus profondément, il y a le rapport, comment vous dire, le fou, il est extraordinaire parce qu'il nous interroge. Il nous interroge. Il nous interroge sur quoi? Il nous interroge sur notre façon de fonctionner en société. Quand je dis ma traite, c'est malade mentaux, ça veut dire qu'à un moment donné, la société, et ça je pourrais vous donner des exemples, le fou est un indicateur. Le fou est un indicateur, si vous voulez. Enfin, j'aime pas tellement ce terme, mais est un révélateur du fonctionnement social. Bon, si vous voulez, on y reviendra. À la fois du fonctionnement social, mais il nous interroge aussi sur l'humanité, sur l'homme. Et que, si vous voulez, ça aussi Foucault l'explique bien, à un moment donné, quand la raison a commencé de prendre le pouvoir, si je puis dire, et ça a eu évidemment des conséquences très positives, à certains égards, hein, mais elle a provoqué une vision de l'humain qui est une vision très rationnelle. Une vision très rationnelle. Et elle a exclu le fou. Elle a mis le fou de côté. Je vous parlais de la position de Kant, par exemple, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, c'est la raison, Descartes. Hein, être maître et possesseur de la nature, etc. L'homme, c'est la raison, et tout ce qui s'écarte de cette raison n'est pas humain. Donc, si vous voulez, le fou, il nous renseigne sur quoi? Ben, il nous renseigne sur le fait que l'homme, c'est pas forcément que la raison. Et que non seulement la folie fait partie de l'humanité, elle fait partie de l'humanité, non seulement l'homme est humain, le fou est humain, mais qui peut dire que individuellement, personnellement, on puisse être totalement exclu de la folie? C'est-à-dire que la folie est impossible de l'homme. La folie est un peu. Le fou, c'est pas simplement l'autre. Le fou, c'est moi. Le fou, c'est vous. Parce qu'il y a des périodes dans notre vie, il peut y avoir des périodes d'ailleurs plus difficiles que ça encore, où finalement, qui nous dit qu'on est fou, on n'est pas fou. Je veux dire, quand on discute avec les psychiatres qui ont une pratique clinique, ils savent reconnaître un psychotique d'une personne qui ne l'est pas, mais en même temps, les frontières sont parfois très difficiles. Donc, si vous voulez, ils montrent ça. Donc, on est bien dans ce débat. Et quand vous parlez, par exemple, de ce qui se passe au niveau de l'Allemagne nazie, c'est qu'on est effectivement dans une essai, et c'est là où on pourrait discuter sur l'héritage du rationalisme, etc., etc., par rapport à ces périodes-là, c'est qu'on est dans une période extrême où on va dire non seulement qu'il y a des gens qui ne font pas partie de l'humanité parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont fous, mais on va vouloir les liquider. C'est un peu, si vous voulez, les nazis ont fait ça souvent. Ils sont allés chercher dans la culture occidentale ce qui préexistait et ils l'ont poussé jusqu'au bout. Vous savez, quand on y réfléchit, on peut très bien se dire qu'ils ne sont peut-être pas les seuls et que parfois, notre culture est porteuse de ça et elle est toujours porteuse de ça. Donc, d'où les nécessaires vigilances. Mais les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à partir de 33, de 33, c'est-à-dire que Hitler, il arrive au pouvoir en 33, et c'est en 33 qu'il signe le décret, le fameux décret T4, qui ordonne l'extermination des malades mentaux. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il dit, lui il dit, qu'est-ce qu'ils disent les nazis? Ils disent non seulement ils sont hors de la raison, donc ils ne sont pas humains, mais en même temps, ils pèsent sur le développement de la race. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, mais ça, ce ne sont pas des idées seulement, quand je disais qu'ils sont allés chercher dans la culture occidentale, ce ne sont pas des idées seulement des nazis. Ce sont des idées de Gobineau en France, de Morel en France, de gens comme ça, qui sont du 19e siècle, hein, en particulier. Et c'était des idées qui avaient pignon sur rue au 19e siècle. Donc eux, ils s'emparent de ça, ils le cultivent, ils le poussent jusqu'au bout, et ils vont jusqu'au bout de l'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont jusqu'à l'extermination. Donc qu'est-ce qui se passe, effectivement? On a des gens qui s'emparent de ces idées, l'hygiénisme, les théories de la dégénérescence de la race, qui sont développées dans le siècle précédent, et ils vont les pousser jusqu'au bout. Et c'est vrai que vous avez les nazis en Allemagne, évidemment, et ça va aboutir à l'extermination de 70 000 malades mentaux, officiellement dans le programme T4, puisque comme l'Église catholique a protesté, Hitler va reculer. Et donc il va arrêter le programme T4. Il va envoyer des malades mentaux dans les camps, donc, avec les autres, et donc. C'est pas 70 000 malades mentaux qui sont morts, c'est probablement beaucoup plus. Bon. Et c'est vrai qu'en France, vous parliez d'Alexis Carrel, vous avez énormément de gens qui relaient tout ça. Et Alexis Carrel écrit un bouquin qui s'appelle L'homme, c'est inconnu, qui doit paraître dans les années 30, et dans lequel il dit, où il traite de ces problèmes de dégénérescence de la race, dans lequel il dit, en gros, Bon, ben, pour alléger tout ça, ben, l'utilisation de gaz approprié, ce serait pas plus mal. Alors, c'est un passage du bouquin qui a été censuré. C'est un bouquin qui a été un best-seller, il faut savoir. C'est quand même pas... Et ce type était prix Nobel de médecine en 1912, je crois. Donc c'était une sommité. Il a toujours des rues à son nom. Et il a toujours des rues, y compris à Paris. Ah, oui. Y compris à Paris. Donc si vous voulez, cette affaire, c'est dans l'air du temps. En même temps, ce sont des sommités de la science. En France, c'est pas rien quand même. Et ça doit aussi nous interroger sur l'héritage et la tradition et la culture qui peut exister dans le domaine, y compris dans les milieux scientifiques ou dans notre pays. Science sans conscience, etc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, on se pose aussi des questions sur dans ce domaine. Donc le fameux Carrel, il explique ça. Et la partie dans laquelle il parle des gaz a été censurée dans une des dernières éditions. Mais il n'empêche qu'il l'a écrit et qu'il n'empêche qu'il félicite Hitler dans la préface qu'il fait à son livre en allemand pour la politique qu'il mène vis-à-vis des Allemands de manteau. Donc il n'y a pas photo, comme on dit. Et il va devenir une des grandes sommités du régime de Pétain. En particulier, il va diriger la Fondation pour l'étude des problèmes humains. Vous voyez à quoi ça peut correspondre. Mais c'est très curieux parce qu'en fait, non seulement on met en œuvre une politique, ça peut-être pas forcément une politique délibérée, encore que moi je pense qu'il devait quand même. Mais concernant les malades mentaux et le fait qu'on les laisse mourir de faim et qu'on les laisse uniquement avec les tickets de rationnement. Mais par exemple, c'est cette fondation qui va inspirer la création de la médecine du travail, par exemple, sur des bases de tri qui existent encore dans les traditions aujourd'hui. C'est le certificat prénuptial, vous savez, quand vous voulez vous marier. Et ben ça c'est eux aussi. C'est toujours sur un point de départ, sur une conception de tri des gens. Sur une conception biologique, quasiment biologique. Bon, voilà. Donc voilà qui était cet homme-là. Et on arrive au drame qu'on sait. On arrive au drame qu'on sait. Mais en même temps, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas... Bon, ces gens-là ont une part évidemment énorme de responsabilité. Mais je crois que ça pose en profondeur la question de notre culture. C'est-à-dire que effectivement, par exemple aujourd'hui, je vais juste faire une parenthèse parce que je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, qu'un fou, il a le droit d'être fou et il a le droit de vivre dans ce monde en tant que fou? Ben non, on ne le considère pas du tout comme ça. On considère qu'il doit s'insérer, on considère qu'il doit rentrer dans les normes. Et s'il ne rentre pas dans les normes, on l'exclut. Alors on n'est pas dans une période où on assassine les gens, mais... Voilà, est en train de construire un hôpital prison. Et on est en train de laisser mourir des gens dans la rue. J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine, à l'heure de la mise au bâclé des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tenté. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver l'inertie mène un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétique, où la belle nature vraie n'a que faire. Et doit céder, une fois pour toutes, et honteusement, la place à tous les triomphaux produits de remplacement, où le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété. Ce long extrait, c'était l'enregistrement d'Antonin Artaud en 1947 de « Pour en finir avec le jugement de Dieu », qui est également d'ailleurs l'indicatif de cette émission, l'intempestive. On revient maintenant, donc, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, à l'entretien avec Patrick Coupchou sur l'histoire du regard porté sur les fous par nos sociétés. Et on aborde maintenant plus précisément ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale en France. Et justement, cette politique qui met en œuvre l'extermination des fous, soit de manière volontaire en Allemagne nazie, soit, là, il y a une polémique, bon, de toute façon, c'est un fait que ça se passe également en France, voilà. Ça amène à une prise de conscience, à une réaction de psychiatres qui se revendiquent beaucoup de la résistance, toujours aujourd'hui, d'ailleurs, hein, quand on lit les textes qui paraissent aujourd'hui, il y a toujours cet esprit de la résistance, et qui vont créer ce qu'ils appellent le secteur, la psychiatrie de secteur. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Et qu'est-ce que c'est que la psychiatrie de secteur ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a souvent l'habitude de dire qu'effectivement, il s'agit d'une poignée de psychiatres, etc., ce qui est tout à fait vrai. Et des gens qui sont des gens, je pense qu'ils resteront dans l'histoire de ce point de vue, hein, c'est quand même des gens assez extraordinaires. Mais je crois quand même que, juste avant de répondre à votre question, je pense qu'il y a quand même une chose sur laquelle il faut revenir quand même. C'est qu'en fait, on est, avec la folie, je disais tout à l'heure, on est dans un rapport avec la société qui est un rapport extrêmement étroit. Et donc, si vous voulez, ce monde d'avant-guerre où on est dans les théories, ça ne concerne pas que les fous, hein, mais on est dans les théories de la race, on est dans les théories de la dégénérescence, on est dans les théories de l'eugénisme, on est dans les théories de l'hygiénisme, l'hygiénisme conçu, par exemple, qui fait que, par exemple, on va considérer, et c'est des choses qui reviennent aujourd'hui, évidemment, mais qu'on va considérer la pauvreté, par exemple, comme une maladie, qu'il faut traiter comme une maladie. Quand on est dans cette situation d'avant-guerre, du 19e siècle et de l'entre-deux-guerres, avec le massacre de 14-18, avec la montée des nationalismes chauvins en Europe, avec la montée du nazisme, du fascisme, etc. Bon, c'est pas très étonnant que finalement on ait assassiné des fous. Vous voulez que je vous dise ? C'est pas étonnant, puisque le fou, il est. Je vais encore y revenir après, mais je pense qu'il y a vraiment une idée de fond. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il est le révélateur, il est là, lui. Il peut pas se cacher, il peut pas se grimer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais on y reviendra sur la situation actuelle, parce que c'est comparable aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette lutte qui va se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale ? Il va y avoir une poussée très importante de ce qu'on peut appeler, pour aller vite, des forces démocratiques, c'est-à-dire qui vont donner naissance au Conseil national de la résistance, à tout ce qui s'est passé au moment de la libération, avec la création de la sécurité sociale, avec les ordonnances de 1945 concernant les jeunes que Sarkozy est en train de remettre honteusement en cause en ce moment, etc. etc. Bon. On a donc une société, dans son ensemble, qui va essayer de sortir de cette espèce d'obscurantisme et de barbarie dans laquelle elle avait été plongée pendant des décennies. C'est l'ensemble de la société qui va avoir ce mouvement. Et le fou, une fois de plus, va être le révélateur. Je vais vous donner simplement un exemple. Il a fallu qu'il y ait des hommes comme Bonafé, comme Oury, comme Toscaïès, effectivement, pour que tout ça advienne. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait été encore possible de ne pas poser la question de l'asile avec son aspect enfermement, avec son aspect mépris des droits de l'homme, etc., dans un contexte comme celui de la libération ? Ça n'a pas été simple, il ne faut pas croire, parce que l'asile, il a couru jusqu'à récemment, puis il existe encore, hein, sous différentes formes. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on pouvait permettre de faire ça ? Non, puisque on a posé les questions de la démocratie, on a posé les questions des droits de l'homme, on a posé toutes ces questions-là après le nazisme, et que forcément, le fou, qui lui est toujours au milieu de tout ça, et qui est toujours au bout de tout ça, eh bien, il est concerné par ça. Donc vous avez raison de dire qu'à partir de là, il y a eu tout un courant, mais c'est un courant qui était quand même, comment vous dire, c'est un courant qui était quand même un héritier de quelque chose. Ce n'était pas été une génération spontanée qui est née comme ça dans les Cévennes ou je ne sais pas où. Vous aviez quand même, dans le courant des aliénistes, mais ça je vais revenir sur, je vais vous répondre à votre question, mais vous aviez quand même une partie de la vieille école des psychiatres du cadre, c'est-à-dire des psychiatres de l'hôpital, qui étaient des grands psychiatres. Je pense par exemple à Henriet, ou même des gens comme Georges Domaison, qui étaient plus vieux que des gens comme Bonafé, qui étaient d'une génération un petit peu plus ancienne. Ils ont été partie prenante de cette affaire. Domaison, qui était un protestant, Henriet, qui était le grand théoricien de la psychiatrie à cette époque. Henriet, il a donné son aval à ce qui s'est passé après-guerre. Hein, donc. Alors, pour répondre directement, cela étant dit, je pense que c'était nécessaire peut-être de le rappeler, mais on va y revenir. Mais je pense que cela étant dit, on a quand même effectivement un mouvement qu'on peut appeler des aliénistes, si vous voulez. Bon, on peut un peu l'appeler des aliénistes pour aller vite, qui en fait contient deux branches qui sont à la fois un peu différentes et en même temps liées, puisqu'elles sont nées au même moment, dans les mêmes lieux et avec les mêmes hommes. La première, c'est ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc la psychothérapie institutionnelle, elle naît à Saint-Alban, dans l'asile de Saint-Alban en Lozère. Pourquoi c'était comme ça ? Parce qu'il y avait un directeur qui a commencé au début des années 40, qui a commencé de se dire, Balvet, qui a commencé de se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la politique du maréchal. Hein, il disait qu'il était maréchaliste au début. Et puis qui a essayé de faire en sorte que ses pensionnaires ne crèvent pas de faim. Et puis il y a surtout ce truc extraordinaire de l'arrivée de Toscaïès à Saint-Alban, de François Toscaïès. Pourquoi extraordinaire ? D'abord parce que ce type était génial, il faut bien l'admettre. C'est vraiment un type génial. Mais en plus, parce qu'il trimballe avec lui des choses, Toscaïès. Il vient d'Espagne. Il est dans l'armée républicaine. Il est le responsable de la psychiatrie dans l'armée républicaine. Et il vient d'une école à Barcelone, puisqu'il est catalan. Pas espagnol, il est catalan. Comme il est catalan, il vient d'une école où on a déjà énormément avancé sur ces questions-là à Barcelone. Et donc, il amène avec lui toute une série d'idées qui tournent autour de l'idée d'institution. C'est-à-dire qu'en gros, pour soigner le fou, il faut soigner l'institution. Alors quand il parle d'institution, il ne parle pas de l'établissement. Il fait bien la différence entre les deux, l'établissement, l'institution. L'institution, c'est l'ensemble des relations, du réseau de relations qui existe autour du fou et qui fait que si on ne le maîtrise pas, ça va aggraver la pathologie et ça va aggraver l'exclusion. Donc il faut jouer là-dessus. C'est exactement là-dessus, à partir de cette idée-là, que Jean Houry a créé la clinique de la Borde à Courchevernie. Et donc, pour résumer, voilà, ça c'est la psychothérapie institutionnelle. On travaille sur l'institution et on fait en sorte, parce que là, évidemment, on résume beaucoup, on synthétise, mais on fait en sorte qu'on change totalement la vision de ce que sont, par exemple, pour donner un exemple, les soignants. Le soignant, c'est plus simplement le psychiatre. Le soignant, c'est même plus simplement l'infirmier. Le soignant, c'est tout le monde. C'est tous les gens qui sont autour du fou. Tous les gens qui sont autour du fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le rôle du psychiatre et de son équipe, ça va être d'organiser un petit peu toutes ces rencontres, toutes ces liaisons entre les gens qui sont autour des malades, pour faire en sorte que les transferts, comme ils disent dans le langage psychanalytique, c'est-à-dire la rencontre, le fait qu'à un moment donné on puisse progresser avec lui, puisse se faire. Mais ça peut être, c'est pas simplement le psychiatre, ça peut être ta femme de ménage, ça peut être un autre patient lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le film La Moindre des Choses, qui était un film de Nicolas Philibert, qui a été fait sur, je sais pas si vous le connaissez, qui a été fait sur la Borde. Il a passé un bon moment avec Houry et toute sa bande, au moment du 15 août, quand on fait la fête à la Borde. On monte une pièce de théâtre. Et dans ce film, on montre bien, on voit bien ça. On voit qu'à un moment donné, c'est un moniteur, comme on dit, un infirmier, mais là-bas on dit un moniteur, qui va faire ce transfert avec un schizophrène profond. Parfois, ça va être un autre patient. Donc tout l'art du psychiatre et de son équipe, ça va être de maîtriser ça et d'organiser tout ça et d'analyser tout ça, parce que Houry dit toujours, il n'y a pas de psychothérapie institutionnelle, il n'y a que de l'analyse institutionnelle. C'est-à-dire que le rôle du psychiatre et de son équipe, c'est d'analyser, de voir les forces qui sont en présence pour pouvoir agir sur l'institution et pour pouvoir en faire en sorte que le malade puisse vivre parmi les autres. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu le premier courant dans lequel vous retrouvez Houry, vous retrouvez Jean Houry en particulier, donc François Tosquelles qui est un petit peu le penseur de tout ça. Bon. Puis parallèlement, toujours partant de Saint-Alban, de fameux asile, il faut quand même dire que Tosquelles arrive à Saint-Alban, on est en plein milieu de l'occupation, et Saint-Alban va devenir un lieu de résistance. Ils vont cacher les résistants. Et Tosquelles dit, on a toujours caché les résistants au troisième étage et personne ne les a jamais dénoncés. Personne, quand il dit personne, y compris les fous. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas si fous que ça. Donc, si vous voulez, à la fois, c'est un lieu de résistance dans lequel on voit passer des gens comme Tristan Tzara, comme Paul Éluard, comme Canguilhem. Enfin, c'est vraiment une espèce de lieu à la fois clandestin mais bouillonnant. Et en même temps, c'est un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ouvre l'asile, on va travailler, Tosquelles dit, on travaille avec le curé, on travaille avec les paysans, on travaille avec les flics, on travaille avec tout le monde. On ouvre l'asile sur la vie, et les gens sont pas morts de faim, certainement, hein, entre parenthèses. Ils sont pas morts de faim. Donc on organise tout ça, et parallèlement, on réinvente la psychiatrie. Parce que là, le soir, ils racontent, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient créé la société du Gévaudan, ils appelaient ça la société du Gévaudan, et ils se réunissaient tous, et ils réinventaient la psychiatrie. Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. S'écria d'un capitaine. Nous étions toute une bande qui marchions en chantant. Marjolaine, qu'avez-vous la belle digue-dig, la belle digue-don. Marjolaine, qu'avez-vous donc la belle digue-dig, la belle digue-don. Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts. Attendez-moi, attendez-moi. Marjolaine, qu'avez-vous donc la belle... Soudain... Devant nous, il y avait... Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames? Oui, des hippopotames, tout là. Oh, ça leur s'est inouï. Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et tout à coup... J'étais en train de marcher sur Max Rainier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe. Les deux hippopotames se précipitèrent sur nous et au moment où ils allaient nous écraser... Je vis derrière mon arbre un défilé surprenant. Toutes les bêtes sauvages du monde. Une vraie ménagerie. à ce moment-là, une tempête s'éleva. Le vent, la pluie, l'orage faisaient fuir les bêtes sauvages. Était devenue une tempête de musique. La forêt était devenue une salle de concert. On applaudissait et pourtant il n'y avait personne dans la salle. Les applaudissements devenaient assourdissants. On aurait dit une fusillade. Entrez là, vous serez à l'abri. Entrez là. Mais entrez donc. C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui me poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où se retrouvaient tous les spectateurs tassés comme des sardines. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer. Au secours ! De l'air ! À moi ! Retour ! Retour ! Moi-même, j'allais étouffer quand je me suis réveillé haletant, mon oreiller par-dessus ma tête. C'était la description d'un rêve de Robert Desnos en 1938. On retourne maintenant, toujours dans l'intempestive, sur Fréquence Paris Pluriel, à l'entretien avec Patrick Coupchou sur l'histoire du regard porté par les sociétés sur les fous, et plus particulièrement sur ce qui s'est inventé après la Seconde Guerre mondiale en France, le désaliénisme qui visait à leur redonner toute leur place dans la cité. Du même asile de Saint-Alban, va naître ce qu'on appelle donc le secteur. Alors sur le secteur, on n'est pas, je pense pas qu'on soit tout à fait dans des choses d'opposition. Il y a des différences, mais je pense qu'ils viennent du même tronc avec la psychothérapie institutionnelle. Le secteur, c'est quoi ? Le secteur, c'est de dire plusieurs choses qu'on partage d'ailleurs avec les gens de la psychothérapie institutionnelle. Hein. C'est un. Concernant la psychiatrie, le psychiatre, il faut remettre le psychiatre sur le métier, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir ce que c'est qu'un psychiatre. Est-ce que le psychiatre, c'est le personnage médical dont parle Foucault ? Non. Le psychiatre, c'est quelqu'un qui est avant tout un désaliéniste. C'est-à-dire quelqu'un qui se met au service des gens. C'est-à-dire que Bonafé dit... Le désaliéniste, c'est celui qui enlève son froc d'aliéniste et qui va sur la place publique et qui dit qu'y a-t-il pour votre service. Donc vous voyez que déjà, un, ça le fait descendre de son piédestal, de mandarin. Deux, ça l'éloigne quelque peu de l'hôpital. Il n'est pas simplement médecin, il est au carrefour de plein de choses. Du social, de la culture, de la médecine, de tout ce que vous voulez, mais c'est un carrefour, il est à un carrefour. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est important, parce que si vous voulez, tant que vous restez dans la conception du statut, c'est ce qui est, sur laquelle insiste beaucoup souvent Houry, du statut, du psychiatre, patron, etc., vous pouvez pas... Ce qui se passe aujourd'hui, hein, pour la majorité de ce qui existe. Tant que vous restez là-dedans, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc aller plus loin, c'est quoi ? C'est deuxième idée, tout le monde est soignant. Et pour reprendre ce que disaient les gens de la psychothérapie institutionnelle, mais ils le disent un peu différemment. Bonafé, il dit, il faut utiliser le potentiel soignant du peuple. Donc il était communiste, il avait quand même une certaine... Puis en plus, il était un peu poète, donc il aimait bien les formules. Donc il faut utiliser le potentiel soignant du peuple. Mais le potentiel, sa phrase, elle n'est pas du tout... en l'air. Il ne dit pas, il faut utiliser le peuple. Il dit, il faut utiliser le potentiel du peuple. Ce qui signifie que le peuple, en tant que tel, n'est pas forcément et directement et naturellement soignant. Il est potentiellement. Donc pour qu'il puisse devenir soignant, il faut qu'on l'aide à devenir soignant. Mais on ne peut pas soigner les gens sans le peuple. Autrement dit, on ne peut pas soigner les gens sans la société dans laquelle on veut que le fou vive. On ne peut pas soigner les gens sans la boulangère du bas, sans le flic du coin, sans le maire, sans les associations, sans toute la société. C'est la société elle-même qui va devenir soignante. Mais comme elle ne l'est que potentiellement, elle ne l'est pas naturellement, la plupart du temps, en plus de ça, elle a quand même une vieille tradition de peur par rapport à la folie. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des outils pour faire en sorte qu'il y ait une passerelle entre le fou et ce peuple soignant. Et la passerelle, c'est l'équipe. Et l'équipe a été, il ne faut pas croire que c'est une affaire comme ça, comment vous dire, évidente. l'équipe n'a jamais existé dans l'asile. Ah, dans l'asile, encore une fois, il y avait le patron, et puis il y avait les soutiers qui étaient, dans un premier temps, les gardiens, dans un deuxième temps, les infirmiers, qui étaient là pour nettoyer les choses un petit peu sales, et puis le reste, c'était le grand patron qui décidait. Inventer l'équipe. Donc ils ont inventé l'équipe. Pour quelle raison ? Bah, tout simplement pour cette idée dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que tout le monde est soignant. Tout le monde. Parce que le malade mental, le psychotique, il ne choisit pas avec qui il aura un mini-transfert ou un transfert. Il ne choisit pas. C'est la vie qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il aura une rencontre ou qu'il n'aura pas une rencontre. Donc, il faut replacer tous les membres de l'équipe sur un pied d'égalité. Il y a eu des grandes discussions sur le rôle d'infirmier, par exemple. Il fallait transformer le rôle de l'infirmier. Pas simplement en faire un change-couche ou un gardien, il fallait en faire un soignant à part entière. Et puis, l'ensemble de l'équipe. Et cette équipe, elle fait un travail collectif. Et son travail collectif, il est de faire le passage entre le pont, si vous voulez, le passage, le pont entre le psychotique et la société. Puisque l'objectif, il est bien que le psychotique puisse vivre dans la société. Mais en faisant attention à une chose, qu'il puisse vivre comme il est. Et pas comme la société veut qu'il soit. Vous voyez, il y a toute une série de choses de ce genre qui sont très importantes à souligner. Donc, cette équipe, elle va s'installer où ? Elle va s'installer dans un quartier, elle va s'installer dans un lieu qu'on va appeler, et que Bonafé, c'est Bonafé qui a inventé le mot, le secteur. Alors le secteur, c'est quoi ? C'est, à l'époque, selon les normes de l'OMS ou je ne sais quoi, c'était 70 000 habitants. Bon, Bonafé dit que c'était un peu arbitraire, mais en même temps, vous voyez, c'est pas une toute petite population, c'est pas non plus une population énorme, c'est un petit peu entre les deux. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que on installe l'équipe dans ce lieu, avec, dit Bonafé, parce que là aussi c'est important, avec une équipe qui a un animateur de pointe, dit-il, si je reprends son terme, un animateur de pointe, qui est le psychiatre. C'est-à-dire qu'il ne nie pas la psychiatrie, il ne nie pas l'apport de la psychiatrie, au contraire. Il dit le psychiatre, la psychiatrie c'est l'affaire de tous, mais c'est quand même aussi notre affaire avant tout, parce que nous on est quand même des gens compétents pour ça. Donc l'animateur de l'équipe c'est le psychiatre, et l'équipe intervient donc sur ce lieu. L'idée, c'est quoi ? Ben, l'idée, c'est que Jean M., qui était l'un des psychiatres de cette époque, qui vit toujours d'ailleurs, hein, Jean M. disait il faut qu'il y ait un secteur de santé mentale dans un quartier comme il y a une école publique. C'était ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans la société et on tisse au fil des jours des liens avec tout le monde, avec la population, avec les institutions, avec les associations, avec, je sais pas, avec tout ce qui existe. Et on va même assez loin dans l'idée, parce que Bonafé dit, on se met pas comme ça dans un coin. On fait ce qu'on appelle une implantation préalable. Une implantation préalable, c'est qu'on va aller là, on va faire, comme disent les gens qui font du cinéma, on va faire du repérage. On va regarder un petit peu comment les choses se présentent. On va voir comment quelle est la culture de cet endroit. On va voir quelles sont les relations entre les gens. On va analyser tout ça. Et en fonction de ça, on va s'installer sous une forme ou sous une autre. Il faut bien reconnaître que c'était quand même assez élaboré, quand même. Hein. C'était pas rien. Donc, on monte ça. On défend cette idée. Une grande partie de la psychiatrie française, à un moment donné, se retrouve là-dessus. Hein. Sauf que ça n'a pas été si simple, puisqu'au bout du compte, ça a été une minorité. Ça a été une minorité quand même, malgré tout. La grande majorité des psychiatres ne va pas les suivre. Et pour quelle raison ne va pas les suivre ? Ben, tout simplement parce qu'on va remettre en cause leur pouvoir. On va remettre en cause leur statut de médecin. C'est tout ça qu'on met en cause. On fout le bordel, si vous voulez. Pardonnez l'expression. C'est-à-dire qu'on remet tout. On met la cabane sur le chien, on remet tout à l'envers. Donc le médecin, le psychiatre qui se prend depuis des décennies que pour un médecin et que pour un scientifique, d'un seul coup, lui, mais non, t'es pas simplement ça, t'es aussi un animateur de pointe. Bon, ça ne lui plaît pas trop. En plus, c'est compliqué parce que ça nécessite une culture. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas simplement être un médecin, il faut être aussi un philosophe, il faut être aussi un historien, il faut aussi être un psychologue, il faut être aussi un sociologue, il faut être un petit peu tout ça. Donc on demande beaucoup au psychiatre et à l'équipe. Et donc tout ça, bah, le médecin, lui, bah, il est dans la psychiatrie, alors d'autant plus que il n'y a pas la séparation, après la guerre, il n'y a pas la séparation entre la neurologie et la psychiatrie qui va se faire que plus tard. Donc tout ça fait qu'on ne va pas suivre, on va traîner les pieds. Mais le paradoxe, c'est que malgré tout, les désaliénistes ont des relais dans l'appareil d'État en France. Et donc, ces relais vont aboutir au fait qu'on va quand même imposer une structure de la psychiatrie qui va s'appeler secteur, qui va s'inspirer de ça. Et c'est comme ça que la psychiatrie est toujours organisée. C'est-à-dire qu'elle est organisée par secteur. Par exemple, moi j'habite Villejuif, j'ai mon secteur avec Paul Guéraud à côté. Si j'ai besoin, le secteur, c'est le secteur de Villejuif. La question, si vous voulez, c'est qu'entre ce qu'avaient imaginé ces hommes-là et puis ce qui est devenu le secteur, il y a évidemment un fossé. C'est-à-dire que c'est devenu, évidemment, c'est les libéraux, les néolibéraux, qui sont quand même des gens sans foi ni loi, reprochent au secteur ça, c'est-à-dire que d'avoir bureaucratisé, d'avoir été une administration, ce qui est un peu vrai, parce que c'est devenu, comment dire, une structure administrative. Alors que dans l'esprit des aliénistes, ce n'était pas ça. Ça pouvait être une structure administrative, mais c'était surtout un engagement. Et vous avez, par exemple, je crois que c'était Domaison qui disait en gros, on a demandé à l'abbé Mitré dans son monastère de se faire moine mendiant sur les routes. Et évidemment, il ne voulait pas se faire moine mendiant sur les routes. Donc, l'aliénisme, ça c'est un peu une vision personnelle, l'aliénisme, c'est-à-dire le fait, l'aliénisme définit comme quelque chose qui veut que le fou soit à part, qui veut que le fou on l'exclue, qui veut que le fou on l'enferme, qui veut que le fou on le traite d'une façon comme on l'a toujours traité. L'aliénisme a été mis à la porte, à un moment donné, mais il est rentré par la fenêtre. C'est-à-dire que dans certaines structures, on a reconstitué le médecin, le psychiatre, l'équipe, machin, tout ça, descendant, avec les statuts, etc. Y compris dans des structures qu'on appelle le secteur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que vous avez un numéro extraordinaire de la revue Recherche, qui avait été créée par Guattari, dans lequel on réunit tout le monde. Ils y sont tous. En 1975. Et vous avez Philippe Pommel, qui est le créateur du premier secteur en France, qui se trouve dans le 13e arrondissement, l'association de santé mentale du 13e. Philippe Pommel qui dit déjà ça en 1975, qui dit on est en train de reconstituer, si on n'y fait pas attention, l'aliénisme, avec ses structures. Mais au lieu de ce soit dans un gros asile, c'est dans une structure plus petite, administrative, etc. Alors je ne suis pas en train de dire que toute l'expérience du secteur se résume à ça. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu plein d'expériences intéressantes, et il y a toujours plein d'expériences intéressantes. Mais vous voyez, le secteur... Alors, il faut rajouter à tout ça qu'évidemment, tout cela n'est possible que si on dépasse, sur deux choses encore, je voudrais insister là-dessus, que si on dépasse, premièrement, l'opposition entre dedans-dehors. Et là aussi, il y a des discussions, parce que vous voyez, avec l'antipsychiatrie, par exemple, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. C'est-à-dire que parfois, le fou, il peut avoir besoin d'un abri, un endroit pour être à l'abri, et puis parfois il peut très bien vivre dans la cité. Il faut qu'on puisse surmonter cette opposition-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'enfermer, mais on va lui proposer, et moi je suis quand même relativement convaincu de ça, on va lui proposer qu'il ait un endroit. Bon. Ça c'est la première chose. Mais ça signifie qu'il y avait un principe très très important du secteur qui s'appelait la continuité des soins. C'est-à-dire que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. C'est que cette équipe, elle va suivre le malade mental toute sa vie, si c'est nécessaire, la même équipe, qu'il soit dedans que ça dehors. Et ça s'appelle la continuité des soins. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on va nouer un lien avec lui et qu'on ne va jamais le rompre. Et si on le rompt, c'est là où on a des problèmes. Par exemple, on a bien vu sur le crime de Pau, ou même je pense que celui de Grenoble, ça va être un peu la même chose, c'est quand il y a eu cette rupture qu'on a eu des drames. C'est quand on a cette rupture qu'il y a l'abandon. C'est-à-dire que vraiment, le rôle, la mission de l'équipe, elle est vraiment de suivre, j'aime pas ce terme, d'avoir un lien durable avec le malade, qu'il soit à l'intérieur et qu'il soit à l'extérieur. L'intérieur étant bien entendu pas le grand asile, étant une structure plus petite, etc. Donc voilà, je pense que ça c'est une expérience qui nous dit deux choses. Vous voulez qu'on attende qu'il sonne, non? Oui, ça fait un accompagnement intéressant. Terrifiant. ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'on est là au cœur de la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de remettre ça en cause. La continuité des soins n'existe plus, puisqu'on a fait la différence entre le sanitaire et le social. Donc, ce n'est plus les mêmes gens qui s'occupent. Donc, la question, elle est bien ça, elle est bien là. Et c'est là où il y avait, comment dire. Et les deux choses que je voulais dire, c'est que d'une part, on a une expérience à la fois théorique et pratique d'une richesse extraordinaire. Il faut quand même admettre que tout ça, c'est quand même extraordinaire. En même temps, ce qui ne doit pas nous empêcher d'avoir un regard critique sur ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, ce qui a été bien, ce qui n'est pas bien, les difficultés rencontrées, etc. Mais je crois qu'on est au centre du débat politique actuel. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ces gens-là? Qu'est-ce que nous dit Jean Houry, qui est encore aujourd'hui, on a la chance qu'ils soient encore avec nous? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, c'est possible. C'est possible, voilà. C'est pas simple, parce qu'avec la folie, rien n'est simple. Comme rien n'est simple avec l'être humain, donc il n'y a pas de raison que ce soit simple. On n'est pas là pour appliquer des schémas. Il faut être intelligent. Mais en même temps, c'est possible. C'est-à-dire que là où on fait, ça marche. Donc pour quelle raison remettons-nous ça en cause? Pour les patients? Sûrement pas. Puisque les patients, aujourd'hui, on s'en fiche. On remet ça en cause pour d'autres raisons. Mais en même temps, ne mettons pas ça de côté. Puisque cette expérience existe, puisqu'elle a été théorisée, puisqu'elle a été mise en place, donc elle existe. Et il faut au contraire la faire fructifier plutôt que de la mettre de côté. Vous aviez peur au départ de nous rencontrer? Peur? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas souvent peur. Enfin. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'aime mieux le mot terreur. Qu'est-ce qui produit chez vous la terreur? Si vous étiez à ma place. Vous n'oserez pas? Être condamné à parler en vain, par exemple. C'est-à-dire à se taire. Ça permet le verbe terreur. Hein. C'est le cas de beaucoup de gens, s'ils ne savent pas. On a introduit l'émission avec la voix de Georges, enregistrée par Manu Bon Mariage, et on la clôt également avec elle. C'était donc la première partie d'un entretien avec Patrick Coupchou, auteur d'Un monde de fous, comment notre société maltraite ses malades mentaux, paru au Seuil en 2006. Patrick Coupchou est en train de préparer un autre bouquin qui paraîtra en avril, toujours au Seuil, donc restez aux aguets. Ce premier entretien sera rediffusé lundi à 11h sur FPP, il restera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Dans la seconde partie de l'entretien, qui passera vendredi 19 décembre et qui sera également disponible sur le site, on abordera le paysage de la psychiatrie contemporaine en France. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociale officiellement reconnue et recommandée. Lorsque vous lui aurez fait un cas sans orgue, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit.